Chapitre 35e. Compère et compagnon. Paul Imbroquet envoya son compagnon dormir, lui-même alla prendre du repos. Assez tard dans la matinée, il écouta le rapport de ces hommes qui avaient suivi le 1 et le 2. Ma pipe dit à son chef que le 2 s'appelait Biret, qu'il était employé dans une maison de représentation. « Sur lui, chef, les renseignements sont les meilleurs. » « Comme toujours, comme pour les amis de Fungetti. » « C'est un travailleur, un garçon habile, de nature calme, ayant une conduite sans reproche, qui aurait pu se faire une situation enviable, mais il est pris par le démon des courses. « Bon, » fit Paul Imbroquet, « voyons la suite. » « Quant au 1, » dit Lamorce, que son chef interrogeait du regard, « c'est un fils de bonne bourgeoisie, à qui ses parents, ayant fait dans le commerce une belle fortune, laissèrent quelques 100 000 francs, que Charles Thénin, c'est son nom, risqua et perdit sur les tapis verts. Je vois, je vois. Après, il est l'amant d'une jeune femme assez jolie, qui a vaguement été artiste lyrique, qui lui coûte aussi très cher et dont il semble très épris. Bon, ensuite, comme il lui faut beaucoup d'argent, il a recours à d'obligeants prêteurs chez qui il va dévorer le bien de son oncle et parrain, M. Thénin, ancien banquier, dont il est l'unique héritier. Pourquoi alors s'est-il mis dans les aides? Parce que les prêteurs ne marchent plus, et que les besoins d'argent courent toujours. Ah hein, vieux l'oncle, et 75 passés. On croyait qu'il n'irait pas plus loin, mais le voilà, après une crise attendue, plus frais, plus solide que jamais. Ses oncles n'en font jamais d'autres. Il est goûteux à ne pouvoir bouger. On le roule dans un fauteuil. 50 ans de truffes, de foie gras et de bon vin qui manifestent. Le vieux s'ennuie. Il est seul dans son hôtel de Passy. Son neveu vient à peu près tous les jours dîner avec lui et fait la partie de Bézigue. Il le couve. D'autant plus que l'oncle passe pour avoir une fortune énorme. Il est très avare. Et c'est en vain que son neveu, son unique parent, son filleul qu'il aime bien, essaye un tapage. L'oncle est rebelle. Il donne bien, aux grandes occasions, quelques louis, mais non sans déchirement de cœur, et force recommandations sur leur emploi, leur bon placement. Il croit que son neveu est à la bourse. Bien, tout s'explique. Ce neveu, Charles Thénin, ayant grand besoin d'argent, et feu parrain se faisant attendre, est entré chez Zigomard. Or, Zigomard ne lui rapporta pas autant qu'il espérait, et il a formé le projet de supplanter, lui, Zigomard, ou de faire mettre à la tête des aides un homme à lui, plus audacieux et... Oui, chef. Bien, mes enfants, tout ça ne va pas mal. Il dit à Gabriel. Ce soir, mon garçon, nous irons encore à la baleine. Il est plus que probable que 1 et 2 s'y trouveront pour recruter des partisans et préparer le coup d'état de samedi. Mais avant d'aller rue Jonas, Paul Imbroquet passa au cirque. Il voulait voir Fungetti et Miss Eden. Fungetti était toujours aussi gai, aussi bavard, aussi rieur. Son bras entrait en voie de guérison, et il pensait dans 1 ou 2 jours revêtir son costume de clown et opérer sa rentrée. Il parlait de cela avec Eugenio, le régisseur, qui comptait faire une annonce au public et le mettre sur les affiches en grosse vedette. Paul Imbroquet complimenta Fungetti. Le clown le regarda très simplement, sans que dans ses yeux le détective, qui justement voulait s'informer de cela, ait pu lire le moindre soupçon. « Non, » pensa Paul Imbroquet, « cet homme que j'ai reconnu dans le salon de la baleine avec la femme aux cheveux d'or fauve, cet homme qui m'a vu passer dans le couloir des patates ne m'a pas reconnu. » Et comme il allait regagner sa place, il croisa le bon bourgeois marchand de papier peint, Simon. « Tu peux faire entendre à ton ami Fungetti que... si pour fêter sa guérison il donne un macaroni d'honneur, j'en serai avec plaisir. » Simon s'y prit adroitement pour engager Fungetti à inviter de nouveau le détective. « Parbleu !» s'écria le clown. « Mais le lendemain de ma rentrée, j'avais l'intention de donner un macaroni royal. À cette occasion, j'espérais avoir Miss Eden, qui m'a promis depuis longtemps d'accepter une invitation. C'est très gentil de sa part. Mon bonheur eût été complet, mon cher, tout à fait complet, si j'avais pu avoir également l'illustre Paul Imbroquet parmi mes convives. Pour une occasion pareille, fêtez votre guérison. Paul Imbroquet ne peut refuser. Voulez-vous le lui demander? Volontiers. M'autorisez-vous à lui dire que Miss Eden sera du festin? Oui. Alors, insinua Simon, tenez dès maintenant l'acceptation pour certaines. En effet, Paul Imbroquet eut la gracieuseté d'accepter l'invitation qu'il sollicitait. Fungetti devant faire sa rentrée jeudi, jour favori des enfants amateurs de cirque, le déjeuner aurait lieu vendredi. « Bon, » fit Paul Imbroquet, « nous aurons le loisir d'assister à la séance de samedi, rue Jonas. » Il alla encore 1 ou 2 soirs à la baleine. Il voulait voir si vraiment le 1 ne le connaissait pas, ou s'il jouait un rôle, préparait un coup contre lui. C'était sincère, le 1 et le 2 agissaient franchement. Paulin Broquet, en tant que la pince, était devenu tout à fait leur ami, et déjà à mots couverts, les deux compères lui donnaient à entendre qu'à 4 ou 5 se secondant bien, on pouvait faire, en dehors de Zigomar, quelques bons coups dont on garderait tout le bénéfice. Ces deux jeunes gens, vraiment, poussés par le besoin d'argent, étaient devenus de parfaits chenapans. Paulin Broquet, on s'en doute, accepta avec empressement toutes ces propositions. Il se dit leur homme, s'engagea même pour le harpon. Déjà, Charles Thénin, dit le 1, se voyait chef d'une petite bande et faisait des combinaisons, calculait les gains probables. « J'étais à bonne école, » dit-il à Paulin Broquet, « à bonne école avec Zigomar. » La première expédition, toutefois, fut reportée à la semaine qui suivrait la séance de la baleine. Cette séance devait, affirmaient le 1 et le 2, être sensationnelle. Paulin Broquet, en attendant qu'à la première tentative, il mit tout bonnement la main au collet de ses deux chenapans, suivait les autres affaires en cours. Il évita de rencontrer Miss Hidden au cirque, d'engager la conversation avec elle. Il eût voulu savoir pourquoi elle se trouvait rue Jonas, le soir où les lieutenants de Zigomar y étaient venus, le soir où, dans un des salons des patates, Fungetti et la femme aux cheveux teints en fauve se tenaient si amoureusement enlacés, ou dans un autre salon, trois hommes simulaient l'ivresse et surveillaient attentivement les allées et venues en ce singulier corridor. Mais il ne pouvait le demander à Miss Hidden. Il attendit donc les événements qui lui donneraient l'explication qu'il souhaitait. Et à son habitude, philosophiquement, il parut s'en désintéresser, et pour changer le cours de ses idées, il alla, le matin, faire son tour au bois. Il vit passer dans leur voiture M. Charles Thénin et sa maîtresse, tous deux très élégants, très jeunes, très souriants, tout heureux de vivre la douce vie de luxe et de plaisir de Paris. Certainement, le 1 ne se doutait pas que quelqu'un, perdu dans la foule, connaissait sa vie secrète, et que celui qu'il croyait son complice le suivait tout en préparant au fond de sa poche la chaîne d'acier dont il lui ferait un sinistre bracelet. Et cela ne manquait pas de tragique. Paulin Broquet pensait à tout cela, se disait qu'il y avait là vraiment un beau chapitre de roman, une scène de théâtre d'honneur, quand il s'écria « Après le drame, voilà la comédie !»